utilise les pourcentages pour se représenter simplement les caractères, les augmentations, les réductions et diverses choses qui ne seraient pas simples sans les pourcentages. Quand on parle de pourcentage, on fait comme si le total était 100. Par exemple, si dans un collège il y a 27% d'élèves qui sont en quatrième, cela signifie que s'il y avait 100 élèves dans ce collège, il y en aurait 27 en quatrième. Et si le prix d'un CD augmente de 6%, cela signifie que si le prix du CD était de 100 €, alors le prix va augmenter de 6 €. Soit N, un nombre, et P, un pourcentage. Appliquer P pour 100 N, c'est calculer N fois P sur 100. Dans un collège de 460 élèves, il y a 55% de filles. Calculons le nombre de filles et de garçons. On remarque que s'il y a 55% de filles, il reste 45% de garçons. Le nombre de filles, le total élève multiplié par le pourcentage de filles et divisé par 100. Ça fait 460.55 divisé par 100. Et donc ça fait 253. Le nombre de garçons, c'est total multiplié par le pourcentage de garçons et divisé par 100. Ça fait 460 fois 45 divisé par 100. Et donc, bah ça fait 207. D'aucuns me dira que, ou de me diront, enfin peu importe, que j'aurais pu trouver différemment le nombre de garçons. Je pourrais aussi dire que c'était le nombre de filles. Enfin, du moins, le nombre total d'élèves, moins le nombre de filles. Et pareil, il n'y a pas de souci, on trouvait que ça faisait 207 garçons. 207 garçons. Pas compris? Je te fais un croquis!